L'évangélisation du monde préoccupe le Seigneur et il interroge: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Une émission qui nous instruit et nous encourage à l'évangélisation, produite par la cellule d'évangélisation classique de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Est-ce que Dieu peut-il compter sur toi? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Dit le Seigneur. Oui, c'est l'heure de répondre le roi. Soyez bénis, auditeurs, auditrices de Qui enverrai-je? Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous prions afin que toutes les grâces du Seigneur abondent dans votre vie. Nous sommes aujourd'hui avec le président Zamblé Simon Chalmaï, avec également Mademoiselle Zélie Yvette, elle est responsable au sein de la cellule d'évangélisation classique. Aujourd'hui encore, nous allons aborder une nouvelle rubrique qui a pour titre « Je suis avec vous tous les jours ». Je suis avec vous tous les jours. Et comme je vous l'ai dit, c'est avec le président Zamblé Simon Chalmaï. J'ai une co-animatrice, je vous l'ai déjà dit. Et ensemble, donc, nous aurons à mener le président à vraiment nous enseigner sur cette rubrique-là, et pour que nous soyons, vous et moi, édifiés énormément. Nous avons à la réalisation Yao Emmanuel, Esmel Didier au microphone. Président, oui. Le peuple de Dieu qui a été énormément édifié par le thème précédent, la rubrique précédente, l'onction du Saint-Esprit, aujourd'hui encore nous écoute. Qu'est-ce qu'on a pour ce peuple? Je crois que à travers nous, le Seigneur a beaucoup de choses pour son peuple. Et nous voulons bénir le Seigneur pour toutes les réactions. Nous disons que ce qui est essentiel et fondamental, c'est d'œuvrer pour l'Éternel. Œuvrer dans le sens de l'évangélisation. N'oubliez pas que la mission première de l'Église, Église comme Église de façon globale, comme la mission première à nous confier par le Seigneur lui-même de façon personnelle et individuelle, c'est l'évangélisation. Et chaque chrétien, à son niveau, devait travailler dans le sens de l'évangélisation. Et c'est pour encourager les uns et les autres à travailler dans ce sens-là que nous avons cette nouvelle rubrique que nous intitulons « Je suis avec vous tous les jours ». Alors, je suis avec vous tous les jours, je crois que c'est tiré de Matthieu chapitre 28, verset 16. Est-ce qu'on va faire la lecture de ces textes? Oui, avec la sœur Yvette. Matthieu chapitre 28. Matthieu le chapitre 28, du verset 16 au verset 20. Et nous lisons ce qui est écrit. « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Amen. Alors donc, la rubrique, je le répète, c'est « Je suis avec vous tous les jours ». Et aujourd'hui, nous allons aborder le premier thème qui est, président? Le logiciel divin. Le logiciel divin. Généralement, c'est en informatique, voilà, qu'on entend, on entend cette expression-là, le logiciel. Oui, ça c'est vrai. En informatique, on pourrait dire qu'un logiciel, c'est un programme qui est conçu. Donc, c'est la manifestation d'une pensée, d'une idée qui est matérialisée à travers ce programme afin d'atteindre des objectifs bien précis. Et de la même façon qu'on parle de logiciel en informatique, je crois que chaque être humain, pas seulement les chrétiens, mais chaque être humain est en lui-même un logiciel divin. Le divin, c'est ce qui est rattaché à une divinité, ce qui est propre à Dieu. Donc, toi, tu es un logiciel divin. Yvette est un logiciel divin. Je suis un logiciel divin. Yao Emmanuel est un logiciel divin. Nous sommes des logiciels divins, n'est-ce pas? Et pour le sous-thème qui est le logiciel divin, Yvette va nous aider encore à lire le psaume 139. Psaume 139, versets 13 à 18. Déjà, un petit commentaire de Matthieu qu'on a lu. On voit que Jésus est ressuscité. Le verset 17 dit, il y en a parmi les disciples qui avaient des doutes. Pourtant, eux, ils sont restés fidèles au Seigneur. Mais ils avaient des doutes pour dire que, je vais parler aux évangélistes et en général à tous les serviteurs de Dieu et chrétiens même. Jésus est ressuscité, mais on a encore des doutes parce que, à côté du fait que Jésus soit ressuscité, on a nos réalités qui sont là. Et le doute fait que quelquefois, malheureusement, la mission que le Seigneur nous a confiée n'est pas exécutée comme il se doit. Et à travers cette rubrique, je suis avec vous tous les jours, c'est pour encourager les frères et les sœurs, évangélistes ou autres serviteurs de Dieu, à faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a choisis. Le logiciel divin, psaume 139, verset 13 à 18. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Verset 18, si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, Président, oui. On vous écoute. Dans le psaume 139, je rappelle le thème, c'est le logiciel divin. Voilà un psaume où David exprime sa reconnaissance à Dieu de ce que Dieu l'a créé tel qu'il est. Et il dit que Dieu, avant que je ne sois même dans les reins de mon père, pour qu'il rencontre ma mère et que les deux puissent me donner, toi l'Éternel, tu me connaissais déjà. Et je te remercie de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Bon, on a des photos de David, photos en griffes, hein, parce qu'au temps de David, il n'y avait pas de photos en tant que telle. On a remarqué que David, dans les photos, il est toujours joli. C'est ce que Dieu l'a fait. La beauté, elle est relative, elle est subjective. Chez nous, les Africains, par exemple, même dans le même Côte d'Ivoire, il y a des peuples où c'est quand la femme a petit pied qu'on dit vraiment c'est là, Dieu l'a créée à son image, tellement elle est jolie. Si elle va dans d'autres peuples, on dit, c'est quoi, c'est quelle erreur ça? Après, là-bas, c'est Digba Mollet, on dirait bouteille qu'on cherche. Didier ou bien? Tout à fait. Donc, tu vois que déjà, quand on prend les deux peuples là, on voit que, bon, chacun a ses critères pour déterminer qu'est-ce qui constitue le beau, qu'est-ce qui est un élément artistique. Mais David lui dit, quelles que soient les cultures, quelles que soient ce que les autres disent, Dieu, je te dis merci parce que moi là, tu m'as fait une belle et merveilleuse créature. Et puis après, il parle de ce que tout ce qu'il allait faire sur la terre, Dieu savait déjà. Pour dire quoi? Qu'un logiciel, c'est un programme. Par exemple, en informatique, quelqu'un s'assoit et puis il dit, j'ai une plantation, comment je vais gérer mon personnel? Il fait un logiciel de comptabilité et à partir du logiciel, il gère aisément sa comptabilité. Et en définitive, il a beaucoup de résultats. C'est ainsi que chacun d'entre nous, Dieu qui est Dieu, Dieu par essence est un être éternel. Il est éternel dans le passé. Il est éternel dans l'avenir. Il est de toute éternité. Il est de tout temps et il sera toujours parce qu'il est toujours. Dieu n'est pas lié à la succession des temps. C'est nous qui fêtons 1er janvier. Si on 1er janvier, la Luréa, ça a comme 15 mars. Parce que Dieu ne connaît pas de succession des temps. Et comme Dieu, il est éternel, dans l'éternité, il a déjà conçu chacun d'entre nous. Et comme il nous a conçus dans l'éternité et que la conception était encore dans la pensée, il a décidé de nous rendre concrets, réels. Didier, moi je te dis la vérité, je sais que c'est à cause de moi que mon papa a marié ma maman. Parce que, tu sais, moi ma maman vient d'un village qui est vers le Kossou, hein, qu'on appelle Bongofla. C'est à près de 30 km du village de mon père. À l'époque de mes parents, là, il n'y avait pas voiture. Même vélo même était rare pour dire moto. Le vieux, je ne sais pas dans quel coup il a lutté jusqu'à il allait chez ma mère. C'est pas qu'il n'y avait pas garçon dans le village de ma mère. Il y avait plusieurs garçons. Ils sont venus faire des avances à maman, mais elle n'a jamais accepté. Parce que Dieu a conçu déjà depuis le ciel qu'il y a quelqu'un qui va sortir des deux là, qui s'appelle Zamblé Simon Charlemagne. Si ma mère avait accepté les avances de quelqu'un d'autre, mais c'est fini. Tout à fait. Si je suis un logiciel différent. Le programme qui vient du ciel, est-ce que ce qui est né de Dieu peut échouer? Jamais. C'est pour ça que moi, il dit, Dieu t'a choisi évangéliste, il t'a choisi son serviteur. Ah, tout ce qu'on vit sur la terre n'est rien d'autre que la manifestation du décret de Dieu depuis le ciel, de la pensée de Dieu. Et donc, si Dieu prend le soin, est-ce que tu sais que le jour où il y a accouplement entre nos parents, il y a 350 millions de possibilités d'être humain. C'est-à-dire que le jour que mon papa et puis maman, ils se sont aimés, ils sont partis là-bas, là. Le jour-là, il y a 350 millions d'êtres humains qui devaient sortir. Parmi les 350 millions, Didier, il y a un seul qui est sorti. Et puis moi, je suis jumeau. Donc moi-même, pour moi, c'était grave, il était éliminé. Mais il a lutté. Quand mon jumeau est sorti, je suis sorti. Quelqu'un comme ça, toi, tu peux dire qu'il a échoué. Tu es quitté où? Il ne peut pas échouer. Parce que je suis le programme de Dieu. Je vous rappelle, quand on dit logiciel, c'est un programme. Il est déjà conçu. Et quand le programme est conçu, dans l'exécution, toutes les précautions sont prises pour que ce programme-là atteigne son objectif. Et quand on sait que nous, en tant qu'êtres humains, notre concepteur, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Quand on dit Tout-Puissant, ça veut dire qu'il est suffisant en lui-même par sa force pour réaliser ce qu'il doit le faire. Que rien n'est au-delà de son autorité. Tout ce qu'il décide faire, tant que la chose est conforme à sa nature, il le fait. Et c'est ce Dieu-là qui est grand, qui est fort, qui est puissant, qui a décidé dans sa volonté de nous amener sur la terre. On ne peut pas être une erreur, on ne peut pas être un échec. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas connaître des difficultés ou bien des ennuis. On peut les connaître. Mais même dans les difficultés, Dieu est toujours au contrôle de notre vie. C'est pour ça que je veux dire aux évangélistes, je n'ai pas dit évangélique, hein? Il dit évangéliste. Ben, nous, on parle d'évangélisation. Dieu t'a choisi, peut-être que tu es au campement. Et puis, tu m'écoutes. Tu as Petit Bondoukou. Petit Bondoukou, c'est sur la route de San Pedro. C'est vraiment Petit Bondoukou. Ben, c'est dans un ravin. Un trou de ravin. Tu as Petit Bondoukou, tu m'écoutes. Si Dieu t'a choisi à Petit Bondoukou en tant qu'évangéliste, il sait pourquoi. Et il sait déjà les gens qu'il a préparés dans le secret pour t'aider, pour te soutenir spirituellement, matériellement, financièrement. Toi, fais ce que le Seigneur attend de toi et tu verras les résultats en son temps se manifester. Parce que dans l'école de Dieu, on va étape à étape. Aussi brillant que tu sois, Dieu ne te fera pas sauter des classes comme nos parents le font. C'est pour ça que quelquefois, à une étape de ton ministère d'évangéliste, malgré toute l'onction que tu dégages, Dieu amènera seulement les gens que lui-même il a préparés d'avance pour cette époque-là. Il ne va pas envoyer quelqu'un d'autre. Quand le temps d'envoyer quelqu'un d'autre va arriver, il va le faire. Tu sais, Didier, en matière d'informatique, on parle de logiciels, mais il y a les jaloux qui font aussi des virus. On doit parler de ça un peu. C'est pour ça que Yvette va nous aider à lire Genèse 50, verset 20. Genèse, le chapitre 50, le verset 20. Je vous rappelle que Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Il ne faut pas oublier, on ne sait jamais. Genèse, le chapitre 50, verset 20, dit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Amen. Amen. C'est l'histoire de Joseph. Joseph était un logiciel divin. Et à l'âge de 17 ans, Dieu lui a montré que toi, tu es un logiciel que j'ai conçu. Et Dieu, en lui montrant à travers des songes que c'est lui qui devait guider la famille, être l'étoile de la famille, le leader de la famille. Comme le jeune, il était encore jeune, il ne comprenait pas, il allait parler vite. Ses parents ou ses frères et soeurs, ça a suscité la jalousie. Et puis, à un moment, voilà, le virus est arrivé. Ses frères ont décidé de le vendre comme esclave. Ils ont d'abord voulu le tuer. Mais comme c'est un logiciel divin, ce que Dieu leur a montré devait s'est réalisé. Dieu n'a pas permis qu'on le tue. Son frère Judas l'a défendu. Ruben d'abord et puis par la suite, Judas a dit, encore le vendre. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Chez Potiphar, il a eu problème, s'est retrouvé en prison. En prison, il a aidé les gens l'ont oublié. Écoute-moi bien, je reprends. Joseph s'est retrouvé chez Potiphar. Ils ont menti sur lui, il s'est retrouvé en prison. En prison, il a aidé les gens, mais même en prison, les gens l'ont oublié. Mais Dieu n'avait pas oublié Joseph, parce que c'est un logiciel divin. Et quand le temps de Dieu est arrivé, c'est de la prison que Joseph a été libéré et il est devenu ce que Dieu avait déjà programmé depuis le ciel. Les frères de Joseph ont mis un virus dans le programme que Dieu a conçu par rapport à la vie de Joseph. Pour essayer d'arrêter. Pour mélanger même. Mais comme c'est un logiciel divin, quel virus va venir mélanger? Le concepteur des virus, là, il s'appelle Satan. Satan, quelle que soit sa force et son ingéniosité, il a été créé par Dieu. Ça veut dire que Satan sait que Dieu est plus grand que lui et hautement plus grand que lui. Satan n'est pas éternel. Dieu, lui, il est éternel. Donc, Satan, quels que soient ses plans ont un commencement, mais ses plans ont une fin aussi. Et quand le temps de Dieu sonne, parce que Dieu, quand il te crée, il t'a créé en tant qu'un logiciel divin. Le virus va venir. D'où? Peut-être de ta famille, peut-être de tes ennemis, peut-être de quelques horizons que ce soit, mais un virus, c'est un virus, il vient pour mélanger le programme et il peut même détruire au-delà du programme l'ordinateur lui-même. Il y a des virus dans notre vie là qu'on appelle maladie. Il y a des gens qui sont malades, c'est vrai. Mais la même maladie que tu portes, même tu es à l'hôpital, ça fait combien de temps? La maladie là, il y en a qui ont eu ça, ils sont morts le même jour. Si toi tu ne meurs pas le même jour, c'est parce que tu es un logiciel divin. Et le plan de Dieu pour toi, c'est qu'au-delà de la maladie, cette maladie va servir de témoignage pour ta vie. Tu sais Didier, quand je lis ces choses dans les Écritures, j'ai dit que le Dieu à qui nous nous sommes attachés, tout ce qu'il nous demande, c'est d'exécuter sa volonté. D'obéir à sa parole. Et aujourd'hui, sinon depuis les temps de la nouvelle alliance, la parole première de Dieu, c'est d'évangéliser. Vraiment d'évangéliser. C'est pas de faire des fêtes ou bien organiser des quoi. Tout ça, on peut le faire, mais faisons d'abord ce qu'il nous demande de faire. Parce que c'est dans l'exécution de la volonté de Dieu que quand le virus vient, Dieu aussi intervient. Et ce qui était virus devient une source de promotion pour toi. Joseph était en prison, mais ceux qui n'ont pas connu la prison ont mangé dans la main de Joseph. Ça doit se dire beaucoup de choses aux gens. Ta prison d'aujourd'hui là, c'est pour te préparer pour une meilleure gloire. Tes difficultés d'aujourd'hui là, c'est pour que ton témoignage soit plus éloquent. Il ne faut pas oublier le texte des bases, psaume 139. Il dit, Seigneur, je te dis merci de ce que tu m'as fait une merveilleuse créature. Comment il me regarde ici, Didier, comment? Il y en a qui disent, le frère, là, comment, attendez, il vous décrit. Moi, Dieu m'a fait long. Oui. Et j'ai béni Dieu parce qu'il m'a fait long. Il y a des quoi là, les Didier, eux, ils sont courts. Les Varabas là, eux, ils sont courts. Là-bas, là, ça ne les arrange pas. Avant, quand on montait dans le bus, moi, je ne fais pas trop d'efforts. J'ai essayé d'arrêter ma mère à attraper en haut d'eux. C'est quelqu'un qui est court là. Et c'est lui, il peut dire Dieu merci là. Ben, il souffre. Quand bus freine, il s'en devant, il vient derrière, on dirait les souris. Moi, si tu vois mes oreilles sont grandes. Dieu a fait ça. Ben, tu ne peux pas me critiquer de loin. Si tu m'as critiqué, oreille, ça là, il entend, on dirait filtre. Est-ce que ce n'est pas bon? J'ai pleuré, ben, Dieu m'a donné de grandes oreilles. Non! Tout ce que Dieu fait est bon. Romain dit, toute chose coopère au bien de ceux et celles qui aiment Dieu. Et puis, tu sais, Didier, quand il y a un virus, souvent, le concepteur même prépare un antivirus. C'est pour ça que je voudrais qu'on lise Luc 22. Luc 22, le verset 31 et 32. Frères et sœurs, à la maison ou bien, je ne sais pas où que vous nous écoutiez, prenez note de ces versets-là. Lisez-les, méditez-les, réfléchissez aux versets. Mais président, en attendant que la sœur Yvette trouve le texte de Luc 22, de plus en plus, on aimerait, les chrétiens notamment, aimeraient avoir une vie tranquille, sans virus. S'ils savent que Jésus a fait ça, il a maudit un âme. C'est un virus. Quelqu'un dont la faim l'amène à maudit un âme, c'est une difficulté. Jésus a été accepté, acclamé pendant 6 mois seulement dans son ministère. Les 3 autres années là, c'était combat, jusqu'à ce que les gens le crucifient. C'était des virus que les gens mettaient devant lui. Mais devant chaque virus, il y avait un antivirus qui était là. Et généralement, souvent même à l'évangélisation, oui. Les gens ont coutume de dire à ceux qu'on évangélise que non, tu viens au Seigneur, tout sera rose, il n'y aura pas de difficultés. L'humain qui dit là, après, est-ce qu'il ne demande pas transport aux gens pour rentrer? Non, en cas de concret, quoi. Ou bien lui-même qui a écouté ça, là. Est-ce que les temps d'après, il n'a pas lutté pour manger? Ah, mon frère. Il y a ce que les gens disent et puis il y a la réalité. Mais ce qui est fondamental, c'est ce que Dieu dit, ce que Dieu a conçu, ce que Dieu a prévu. Parce que ce que Dieu a prévu, là, quand c'est glorieux, ça ne sera pas facile. Au contraire, même plus la gloire à laquelle tu dois accéder est grande, et plus les persécutions sont colossales. C'est ce qu'on dit, non? Oui. Hein, Didier? Mais on va revenir à Luc 22. Yvette va lire ça pour nous. Luc, le chapitre 22, mm-hmm. verset 31 à 32, dit ceci. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » L'antivirus. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mmh. Amen. Didier, tu vois, non? C'est dans ta Bible, hein? On va dire Didier, Didier. Quand il va dire, toi, tu as la chance qu'il y ait un peu ton nom dans la Bible. On va dire Emmanuel, mais cette partie-là, on dit Jésus dit, Didier, comment moi, il peut, comment même? Mais il n'a pas dit que, ça dit, le virus est là. Jésus dit que Satan t'a réclamé, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Donc, Satan a conçu déjà le virus. Mm-hmm. Mais l'antivirus aussi était là. Jésus dit, j'ai yes. prié pour toi. Et cette parole-là, chacun doit mettre son nom dans cette partie des Écritures. Il y en a qui croient que le péché dans lequel il tombe, le Seigneur est surpris par ça. Non, et quand on parle ainsi, ce n'est pas inciter les gens au péché. Dieu étant Dieu de toute connaissance, il sait tout ce qui va nous arriver comme virus, comme difficulté, comme embûche, comme chute. Mais en même temps, il prépare déjà la réponse. Il prépare l'issue, hein, il prépare la voie de secours par rapport à la difficulté. Un chrétien ou bien certains d'eux qui va dire que lui, dans sa vie, là, il n'a jamais eu problème ou bien difficulté. Il ment. Sinon, on va enlever la confession des péchés dans la vie chrétienne. S'il y a la partie repentante, c'est parce que Dieu sait qu'un moment va arriver, ça va parler. Ici, quand Jésus disait à Simon que Simon, Satan a préparé un virus, et jure que moi, c'est pas moi, mais le lendemain, Simon a eu à régner Jésus trois fois. Mais heureusement que Jésus a prié pour lui. Et qu'elle a prié pour lui. Il n'a pas prié seulement pour qu'il se relève. Non seulement il va se relever, mais en plus, il aura la force d'encourager les autres à continuer le travail. Simon était le leader des apôtres, ceux qui ont permis à l'évangélisation de prendre dans le monde entier. Pour dire quoi que, quand le virus vient, Dieu prépare toujours un antivirus. Parce que c'est Dieu qui nous a conçus. C'est Dieu qui a fait le logiciel divin. Et je vous assure que les logiciels ont besoin d'entretien. Tout à fait. Et l'une des choses qui entretient le logiciel, on trouve ça dans Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8, ça sera pour la prochaine fois. Oui. Matthieu 5, verset 8. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous rappelons que la rubrique, c'est « Je suis avec vous ». Tous les jours, et le premier sous-thème, le logiciel divin qui n'est pas encore terminé, nous allons poursuivre avec le logiciel divin pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. À la prochaine. Je tiens ta main, amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. Fais-moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. La cellule d'évangélisation classique vous a proposé Qui enverrai-je? Si vous désirez garder le contact avec nous, appelez tout simplement le 04 81 57 66 ou au 23 51 59 55. Vous pouvez nous rendre visite à notre siège situé à Yopougon Toit Rouge en face de la pharmacie Eben. Site web www.cec-du6muc.org.